2B. 1. J'ai peur que nous ne soyons pas capables de remplacer l'uranium par autre chose. Nous dépendons beaucoup trop de l'énergie nucléaire et j'ai peur que lorsque nous serons obligés de remplacer l'uranium, nous ne soyons pas capables de le faire. Or, l'uranium s'épuisera un jour, ça c'est sûr. 2. Si nous ne proposons pas d'alternative aux énergies fossiles, je crains que nous allions à la catastrophe. Que fera-t-on quand le pétrole ne sera plus disponible ? Il faut que les responsables politiques réfléchissent sérieusement, dès maintenant, à des alternatives. 3. L'énergie hydraulique, ça paraît inépuisable et potentiellement non polluant. Mais nous savons que les barrages peuvent causer de grands dégâts écologiques et je redoute que la généralisation de cette technique entraîne des catastrophes irréversibles. Il est donc nécessaire que nous trouvions d'autres formes d'énergie, plus propres et surtout moins dangereuses. 4. Je pense que le bois et la biomasse seraient une solution durable si on se donnait les moyens de parvenir à une production suffisante et contrôlée. Nous devons éviter les abus, comme la surexploitation du milieu, notamment de la forêt amazonienne. Le contraire provoquerait une catastrophe à échelle mondiale.